Témoignage de Monsieur Émile Nolvaux de Moa, 84 ans, métallurgiste, recueilli par Messieurs Dechaîne et Mikils en décembre 1979. L'école n'est une obligatoire? Non, non, non, non. Vous allez faire ce qu'on sait qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on les paraît, parce que je veux dire, de 20 ans, on a vu 6, 7, 10, 11, 20 ans les manettes, et on a vu de ceux qu'il fallait qu'une morahine, elle le mohon, sans faire qu'elle m'amalait pour le travail, pour ça il est dit l'homme. Et vous avez su en cela? Ben, moi, non. C'est-à-dire qu'aimer, j'ai tout le terrain, et j'ai tout le temps pour gâter que les autres. On s'en veut bien. Mes frères travaillent, elles ont aimé le terrain. On a vu ça, de me mettre pour apprendre ton bon métier, mais il n'a vu rien à faire. Non, il me fallait. Ça va bien. Il me fallait pas de mouvement, là. Vous savez, ben, j'ai tout travaillé de 25 pour que moi aussi, allons, à 12 ans, et puis. Pour faire quoi, là? Oh, pour faire tout, On allait mettre à vous que mes lirettes, à vous les. Pour mener les vaches, pour mener au cours de moi, et pour mener les devoirs, les bénettes, et travailler devant les prix, tout ça là. Enfin. Et puis j'ai tout travaillé à 3 ans, 4 ans, j'ai tout travaillé à la période de grève, la même période de grève. Non? Et j'ai tout appris à faire un pavé. Ça se tombe stick dans les deux rues. Hein? Et où est-ce que tu vas payer en périr? Oh! Donc, merci pas 6 heures au matin. Et c'est tu jusqu'à 6 heures à l'autre. Seulement, c'est tu à Marti qu'on travaille. C'est tu, non? Et pas les faire autant de pavés, non? On gagne 50, 60 centimes par jour. On fait des pavés. On fait un pavé. On dit que tu es apprenti, non? Ça veut bien. C'est nanné comme Astor. Astor est un apprenti avec des pays. Mais Adon, non? Non. Et puis après cela, je travaille à mon prédom à Boulon. Ah oui. J'avais 11 francs par jour. Pour faire des boulons? Pour le nez au coin de moi. Et puis j'ai tout ça de machine pour faire un scrap. Et on a 11 francs 25. Pour se dire, non? Qu'est-ce que tu vends le gars des 14 sous la tournée? Oui. Et puis, on montait, on était pauvres, non? On avait 14 poisons, et il fallait déjà qu'on. J'ai servi les plafonneux à 1 franc 75 par jour. Oui, c'est là, t'as dit un peu? Non, ça là-bas, à mon petit entrepreneur d'hôtel. Alors, et puis, après cela, j'avais 17 ans, j'avais des camarades qui travaillaient déjà sur les zoos. J'ai tout travaillé à Montbornier. J'avais trois francs par jour là. J'avais 17 ans, oui. C'est une sacoue, ça, 3 francs. 3 francs, oui. Et puis, on travaillait à Marti, on faisait faire caisse à Marti, quand ils sont là, les abalés, enfin non, mais c'est ce que tu as marqué. J'aime bien à te reprendre, mais ce que tu as déjà bramé, non. Puis, ça se trouve, on oise les fumis. À quoi sûr qu'on fumit, fallu. Eh, ça fait qu'on m'a pris. Ça se tout balayé, alors. On ne peut pas les fenêtres, ça se tout balayé. Ça se tout travaillé en France, alors. Jusqu'à la guerre. À travailler, à vous les maçons, devant les hauts fournais, là. Jusqu'à la déclaration de guerre. Ça me disait bien, à pomper, ça prend le nom aussi, là. Mais, j'ai gagné vraiment un peu, donc. Hein. J'ai gagné 5 francs, donc. 5 francs. Ce que c'était énorme, donc. Hein. On travaillait fort, hein. Mais c'était énorme. Hein. Alors, parce que c'est ce que des maçons d'après Charles, alors qu'Aline, qu'Aline travaillait vers là. Et on revenait au bout de combien de meux, comme cela? Et on me rive combien de meux en France? 3, 4 meux? Oh, de bon, on revenait. On revenait. Oh, oh, bon. Comment dire-tu? 3 meux. 3 meux. On travaille d'ici à 6, ou jusqu'à 7 combien, et le dimanche, on y arrive jusqu'à 4 heures. Peut-être que les vies là-dedans, et on se dit, c'est à manier le même. Vous avez tout de rue attaqué à ouvrir. Et puis, j'ai tout. Oh, nous avons travaillé, j'allais aller. En France, devait la région dévastée. Dans la ville est coincée. J'ai tout travaillé là. Il devait me coster de l'eau. J'avais donc de mes frères, que je suis chef de chantier, là, ça fait de venir d'aller à vous. J'ai tout travaillé là. Et puis, Jean Moret, Moutel, non, et puis j'arrive, nous. C'est là donc que j'ai tout travaillé à Montbarnier, à Frémar. Que j'ai vu Gérald travailler dans la guerre, ici. Gérald, on m'a pas demandé si j'ai fumé. Et puis j'en allais, j'ai tout un type. Jean Moret, le restant, de, on n'a plus un type. J'en mourrai 32 ans en type. Et j'ai été pensionné. Et devant le syndicatois, est-ce qu'il avait déjà des syndicats? Oui, il avait des syndicats. Mais seulement, travailler avec mon bornier, par exemple. Pas être syndiqué, pas les fenêtres, pas y aller à la fabrique, ça veut. On voit les fenêtres, non? Nous avions délégué Calif Sauvin en face. On café, mais on boutique aussi, et on allait frapper ces syndicats. Nous avions des pays dans la fabrique, malgré tout. Non? Dans le Noctuhu, de délégué que j'ai plein de pays. Comme Astur, par exemple. Astur, on est là, on paye, mais non, on est une. On ne peut pas les fenêtres, en fait. Hein. Ainsi, qu'est-ce que tu nous, comme syndiqués, on les faisait de misère? Ben. Non. Comment dirais-tu? C'est une elle-même vie, en fait. Il faut bien comprendre. Vous êtes à l'ouvrir, on dirait que nous sommes dans le syndicat en principe, non? Vous êtes syndiqué, mais pour le patron, ça n'existait pas. Et même dit un d'elle, s'il avait une greffe, il ne traitait pas à vous les syndicats. Ah, ça, je vais dire, j'ai fait la greffe en dos pour suffrage universel. Eh? Mais on a fait la greffe. Je ne peux pas dire que bien du havre. Je me sens que c'est une semaine qu'on a fait. Mais on a rentré, mais je ne me rappelle pas comment on m'a fait des mesures de rien. Enfin. Et ce qui est là, on démarre, on se l'ouvre à l'ouvre. Non? Mais on se l'a. Mais n'est-ce pas tortue syndiquée pourtant? Non. On a eu dans le bras, mais qui n'est pas syndiquée. Alors. Mais. On a eu des gens. On a vu des délégués qui ont été réunis et qui venaient attaquer pour ne pas syndiquer. Alors, et on a vu. Des hommes emmenés sur le poids des fabriques, en médiagé, vous avez des vignes, vous avez le registère, vous avez la roue, vous avez Tchofil Gonda, le flémal, qui sont tortomères, même Tchofil Gonda, Castumori à l'Allemagne, non? Et la roue, Castor Sazené, mais emmenés dans le poids des fabriques. De timbre. Et on manifeste à galop, et on va aller fouter ce qu'elle a continué. C'est déjà la lutte, t'as vu. Mais enfin, peut-être bien plus sérieux, rien dire. Et on ne faisait venir. On est chassifné? Le patron, chassifné, tous ces gens-là qui venaient vous exciter? Non, parce que c'est un nom. Non. On dit naturellement pas les fesses sur le vrai carrière et puis c'est tout. Alors on s'occupait pas de vos syndicats ni rien. Mais on commence déjà tout le même à se revendiquer. Oh oui. J'avais eu des délégués que le Ziplaire de mettre le trait par la fabrique et qui sont. Qu'il n'y avait pas de patron, ni rien, ni de masse, ni rien. C'était un plein, c'est tout. Alors, il est une. À poigne, en fait. Tu vois. Et quand il a vu greffe, on a vu des fouilles incidents avec les gendarmes. Il est venu, là. Mais qu'il ne m'a jamais trouvé devant ces affaires-là. Les premiers de mai. On y allait, mais ce n'est pas comme Arthur, on est un pays, n'est rien. Non? Et le patron devait les freins et teintes, non, le premier de mai. On travaillait. Pour lui, mais on y allait, on n'a vu Bramet qui allait. On n'a vu qu'on de ceux qui allaient, c'est comme Arthur, son frère greffe. On a de ceux qui s'est étonné d'y aller. Mais donc, c'est tout le même. Tout le monde se compte au pire, parce que c'est ce là. Fait. Non. Pour me. Je n'y allais pas le 1er mai, et je rentre le frère de moi, des effrains. On dit qu'on était fondu. Ah, oh, ben oui, ça veut dire que tu n'es pas eu. Ah. À cette heure, on n'est pas eu le 1er mai, non? C'est ton du férié, mais à cette heure, c'est fini. Ah donc, c'est. Non. D'ailleurs, il n'y avait pas du férié, à donc, non? Mais est-ce qu'il n'y avait pas du férié? Qu'est-ce qu'il y avait comme jour du congé, le matin? Rien. Même pas le jour de fiesta et vieille. Mais, rien. On travaillait de six à six. les six jours de la semaine, après c'est tout. Et les autres jours, les jours fériés, vous n'estimez pas. Vous venez. Ah. Vietnam, on n'estimez pas. On n'estimez pas. C'est comme, comme la session, par exemple, Pâques, etc. Vous n'estimez pas. Non, ça n'existait pas, ça. Surtout après, les syndicats, elles portaient socialistes qui luttaient fort pour ces affaires-là. Et on restait où les jours fériés. Et puis, les deux conduits, surtout à partir de 36. Oui, hein. On a fait un grève. Et pour que merci, on reste où? C'est du conduit. C'est du. On reste tout au verre, non? C'est du conduit. Pays. Et les deux fériés, on nous a ainsi. Alors, on doit. On a pas eu. On doit. On, et puis. Et n'y a pas après, on paye flot, Dieu, ça nous a, c'est qu'on a tous les des jours fériés, et puis, les six jours, des grèves. Des, en 36, les six jours de congé, ça se doit donc. Naturellement, nous autres, est-ce que c'est déjà, devant les 40, 50 ans, on a studié bien là, d'avoir six jours de congé. Et les dons, mais il aurait qu'il fallu peu à coup sûr. Et ils ont continué. Et on a tout. Mais, on a vu les sujets qu'on dit. Mais, on reste neuf. D'après les yeux, vous avez perdu, si vous avez perdu, dans ce qu'il n'avait pas. Qu'à 25 jours, de ce quart, de ce treu, ça dépend les jours que vous avez fait. Ah, ça, on descompte. Le premier moment, le premier raison, hein. Ça a duré. Et puis on reste où? On a compté les jours de malade, et tout cela, ça a compté pour les conduits à nous. Puis. Et puis, nous avons eu un coin du. Et puis après, ça m'a mis à serre. J'ai dit, stupé. J'ai tout penchonné. Et vous avez fait du sirop, Charles? J'ai tout penchonné, peut-être, mais. Parce que. Quand j'ai dit guerre. J'ai tout, à 73 ans. À la fabrique, où est-ce que dis-tu, on avait déjà un délégué de syndicat, j'ai dit, je ne devrais pas voir, ils sont rires. Parce qu'on a pris les autres, qu'est-ce que... Attends de composer, ça fait que... Les fabriques, nos amis tout, à la pension, mais ce qu'on aurait tenu, donc les 10%, parce que c'est tout de. Et non, c'est tout. Si pas sonné à 65 ans, mais c'est bon dans l'île, on ferait tenir. Et non, ça fait comme on aurait tenu 10%, ça le fabrique comme des amis, tout. C'est déjà pour escouter des hommes, et non, on a vu déjà peu, pour ton d'ouvrir que. Et j'attends de voir mes 10% hein, de l'accotodé, les fabriques ne me l'ont pas étonné. Il y a peu de 20 ans, mais j'attends de voir où ils ne me les ont pas. C'est à ce moment-là que vous avez fait des sirops? Non, non, déjà de bon. Déjà de bon. On chante mes bras en main. Hein. Ça fait, j'ai vu faire ça là. Comment est-ce qu'on faisait le sirop, Charles? Hein? Comment est-ce que vous faisiez votre sirop, Charles? En magnétunais, Charles, je ne mourrais. ten malý zvenut mohl hlas. Jak bys ke snádi? On va partir des poumes et des peurs. Oh, et on va partir cela. Ah non. Et hier, je mettais 80% à 5 kilos. 10% à 5 kilos. Ah, tiens. Oh. Mais comment est-ce qu'on faisait des sirops? C'est ça qu'il faut un peu expliquer. Oh, ben, pas ben. Il fallait pour faire 12%, il fallait que ça stack assez de fuite assez bon. Parce que il venait de fuite, qu'est-ce qu'il m'a va, non? Parce qu'on ne peut même jamais amener une sac de fer bon, non? C'est plutôt des déchets, non? Oh, oui. C'est plutôt de pomptumer ou de peur ou n'importe. Parce que de peur. Quand c'est qu'elle venait même qu'elle l'a incité un peu bonne, alors, elle démarrait un peu là, elle n'est un peu fameuse, alors. Non. En parenthèse, c'est là qu'on fait un bon mystère. Pourquoi? Bah, il a, c'est un sacré qu'il faut faire en famille, ça. Au perdu. En famille, parce que ce n'est peu. Que mais ce n'est pas rentable, assez. Et on compte que c'est toute une affaire, et non, mais non. Si vous ne pouvez pas prêter un homme, il ne le faut pas y, et non. Non. C'est un sacré qui n'est pas fait en famille, et non, puis ça peut aller. Mais quand c'est que vous ne faisiez ça en famille, qui n'est pas fait, dans un pas fait pour les contributions, et toi, ça n'a pas fini, alors, à ce heure, des autres affaires, alors, on vous amène des fuites, et vous demandez que bien qu'il y a, on vous dit, notre saint est là, ou la croix de saint, mais, il y a beaucoup de 350, c'est bon de leur peser les nains. Vous avez ce qu'on refait, alors, non. Comment? Et pour la fabrication des sirops, comment est-ce qu'on dit? Ah ben, c'est toute une affaire. Pour que ainsi, il faut des purs et pour de vos studies. Que, comment dire, que c'était propre et que n'avait jamais de tête. Ni pour éternuer, parce qu'à nos pieds, ça brûle. Et pas, t'as des sûrs, on va dire 150 kilos de faire bon fruit, et faux. Mais qu'une pomme, non? C'est vrai, une pomme, je suis sûr de brûler. Pourquoi les pommes brûlent maintenant? Ah oui. Elle s'est sprotée et elle brûle. Mais les purs, non. Les purs demeurent entières. D'abord qu'elle est propre et qu'elle n'est pas trop. Comment dire? Qu'elle n'est pas trop avancée, en fait. Et il faut qu'elle soit en poudienne. Parce que si elle est verte, elle brûle aussi. Oui. Et puis, on n'a plus pour le mettre tout venant à la copette. Et puis, quand c'est que ça est cuit, on les perd, on les vu, dit, on les va presser. Et on les presser, et on va raffiner le Dieu. C'est à vous le Dieu que vous raffinez, que vous avez le sirop. Ça se passe bien de l'œuvre. Pour faire une fournée, il faut des teints. Hein? Pour faire une fournée, il faut des teints. Pour faire une cuve, il faut 24. Et on a combien de kilos du sirop? Ben, mais j'ai cueilli 4 fois 5 kilos. En mon cours. Des fruits. Des fruits. Et ça donnait d'autres pourcents. Oh. 11. Combien 10. Ça dépend. Et on faisait pas vous, vous les payez 30. Ah, mais non, ça n'existait pas, ça. Ça, de temps de guerre. Oh, ça, c'est de temps de guerre qu'on faisait vous dans le pays, là. Non, c'est... Et vous mettez une dessous? Hein? Vous mettez une dessous? À vous, quoi? À vous, vous non. Non. Et vous faites sûr de la queue? La queue? Oui, hein. Des rotures, on m'a dû faire un tour dire à l'île de Montvelden. C'est là que j'avais starté un tour dire. Et puis j'avais raté un autre. Si ça veut dire ça. Témoignage.